Section 48 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Le bon hiver, par Clovis Hugues. L'hiver est doux, la clarté pure envahit les cieux peu changeants. Merci, bonne mère nature, au nom des bêtes et des gens. Les pauvres qui n'ont que des ardes pour se couvrir quand vient l'hiver ne seront pas dans les mansardes forcés de trouver le bois cher. Les gentilles oiselettes qu'assiègent le froid, hostile au nid futur, pourront sans redouter la neige battre de l'aile au creux des murs. Les poètes, malgré des sombres, feront teinter les rimes d'or, comme s'ils avaient dans leur chambre un blanc rayon de messie d'or. Les larves, sans être étouffés, attendront sur les durs sillons qu'avec la baguette des fées avrille les change en papillons. Les enfants qui vont à l'école tous les jours par les grands chemins chanteront mieux leurs chansons folles et n'auront plus tant froid aux mains. Puis Noël, se mettant en route, viendra, bon moment peu cassé, et leur apportera, sans doute, plus de joujoux que l'an passé. Fin de section 48.